Esdras, chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Réélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï, Réum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréoch, 2172, les fils de Shephatia, 372, les fils d'Arach, 775, les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812, les fils d'Élam, 1254, les fils de Zatu, 945, les fils de Zakaï, 760, les fils de Bani, 642, les fils de Bébaï, 623, les fils d'Asgad, 1222, les fils d'Adonikam, 666, les fils de Bigvaï, 2056, les fils d'Adin, 454, les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98, les fils de Betsaï, 323, les fils de Jora, 112, les fils de Hachem, 223, les fils de Gibar, 95, les fils de Bethléem, 123, les gens de Netopha, 56, les gens d'Anatot, 128, les fils d'Azmavet, 42, les fils de Kirjat-Arim, de Kephira et de Beeroth, 743, les fils de Rama et de Geba, 621, les gens de Mikmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénaa, 3630. Sacrificateurs, les fils de Jedaéja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Immer, 1052. Les fils de Pachur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres, les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tous 139. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Hasupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils d'Akub, les fils de Hagab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uzza, les fils de Paséar, les fils de Bézaï, les fils d'Azna, les fils de Mehunim, les fils de Nefusim, les fils de Bakbuk, les fils de Hakufa, les fils de Harur, les fils de Batslut, les fils de Mehida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamar, les fils de Netziar, les fils de Hatipha, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Peruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokéret Hatsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélar, de Tel Harsha, de Kérub Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Habaja, les fils d'Akots,